Amis humains, bonjour. La blague des terroristes modérés, à consommer avec modération. De Abdelkarim Chankou. Écoutez. Les États-Unis qui ont passé des années et dépensé des dizaines de milliards de dollars pour créer de toutes pièces un nouveau, petit monde, selon leurs besoins, ne veulent pas d'yeux ou d'oreilles indiscrètes ou d'une présence gênante dans cette ère désignée sous l'administration de Bush Jr. par le terme de « Grand Moyen-Orient ». Après les islamistes modérés, les terroristes modérés. Qu'est-ce qu'on n'aura pas entendu avec cette histoire de guerre en Syrie ? Pour justifier leur protection des différents groupes armés combattant l'armée de Bachar Assad, les puissances occidentales les appellent des « islamistes modérés », sous-entendu des terroristes du juste milieu, dans le genre à vous loger un pruneau bien chaud et froidement au milieu du front, pour un oui ou un non. Pourtant l'expression « terroriste modéré », bien que saugrenue, semble bien plaire au vulgum PQ qui, bien édulcoré par les médias officiels, la populace la gobe sans retenue ni modération. Sauf, peut-être, quelques brebis égarées ou galeuses qui affichent maladivement un scepticisme déplacé. Tous les groupes soi-disant non liés à l'État islamique et combattant également l'armée régulière de Syrie, les Occidentaux les appellent eux-mêmes être « des islamistes modérés ». Assez incroyable comme notion. C'est vrai qu'en termes de barbarie et de cruauté, difficile de concurrencer les imams aluminium Qaeda est devenu un peu ringarde, mais en suivant cette logique, on arrive à croire qu'il devient presque possible de classer les terroristes en plusieurs groupes, selon leur niveau de radicalité ou de modération, terroristes modérés, semi-modérés, plutôt modérés, pas vraiment modérés, pas du tout modérés, radicaux, ultra-radicaux et ainsi de suite. Le schéma est simple, il se résume en deux camps, diamétralement opposés. D'un côté les bons au visage angélique brandissant l'étendard bleu de la liberté et d'autre les méchants aux gueules maléfiques agitant la bannière noire du totalitarisme. Pas besoin d'être grand clair pour piger de quel côté est Poutine, les chemins de la cognition étant balisés à l'avance par le martelage interminable de la bien-pensante et leur cortège médiatique. Rien qu'en regardant les physionomies de Poutine et de son protégé Assad, l'on comprend, sans mal, pourquoi ils ne peuvent séduire un esprit occidental formaté, sans jeu de mots, pour les canons de beauté néoclassique. Il est arrivé en « roulant des épaules », commente une voix « off de France 24 » au sujet de la visite de Poutine à l'Élysée ce vendredi 2 octobre. Tout est « i ». Poutine c'est le méchant, un de ces tontons flingueurs sortis tout droit d'un thriller de Tarantino. D'un côté les bons au visage angélique, brandissant l'étendard bleu de la liberté. Et d'autre les méchants, aux gueules maléfiques agitant la bannière noire du totalitarisme. Or la vérité est autre pour ne pas dire ailleurs. Les États-Unis qui ont passé des années et dépensé des dizaines de milliards de dollars pour créer de toutes pièces un nouveau, petit monde, selon leurs besoins, ne veulent pas d'yeux ou d'oreilles indiscrètes ou d'une présence gênante dans cette ère désignée sous l'administration de Bush Jr. par le terme de « Grand Moyen-Orient », un espace s'étendant du Maghreb et de la Mauritanie au Pakistan et à l'Afghanistan, en passant par la Turquie, le Maghreb et l'ensemble de la péninsule arabique. Ne pouvant s'opposer frontalement à Moscou, Washington et ses alliés européens accusent l'aviation russe qui a commencé mercredi pour la première fois des frappes sur le fief de Daesh à Raqqa, dont le chef-lieu éponyme est considéré comme la plus capitale plus de Daesh, qui contrôle la moitié du pays en guerre depuis plus de 4 ans, de cibler aussi des combattants de l'armée syrienne libre, autrement dit les « terroristes modérés ». Ces bombardements russes ont également ciblé des objectifs dans les provinces d'Alep, Nord, d'Idleb, Nord-Ouest, et de Hama, Centre. Le plus drôle encore dans cette bisbille entre les pro-Assad et les anti-Assad, c'est que les premiers se tuent à répéter en public que Moscou doit cibler et seulement cibler Daesh. Comprendre que Moscou ne doit pas faire de la défense de ses intérêts en Syrie, notamment la base de Tartu, un prétexte pour éliminer les opposants d'Assad, comme si Daesh était l'ami de ce dernier. Assad est l'origine du problème syrien, il ne doit pas faire partie de la solution. Ou encore, Assad a tiré sur son peuple au lieu d'ouvrir le dialogue. Un échantillon de leitmotiv fatigant qui peine à tenir la route. Ahmad Ben Issa Aluminium Khalifa, roi de Bahreïn, n'a-t-il pas maté dans le sang en février 2011 une révolte populaire avec l'aide des chars envoyés par l'Arabie Saoudite, faisant une centaine de morts ? et ce n'est un petit exemple parmi beaucoup d'autres. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.